quand même, Mercedes, venez! J'avais raison de vouloir y aller. Dès les premiers pas, nous avons aperçu trois douaniers qui gardaient la brèche. Vous les avez reconnus? Oui. Il y avait Eusebio, Pérez et Bartholomé. Eusebio, Pérez et Bartholomé, n'ayez pas peur d'en caïr. Nous vous en répondons de vos trois douaniers. Cata. Laisse-nous tranquilles avec ta jalousie. Reste de garde. Et dans le cas où tu apercevrais quelqu'un, passe ta colère sur lui. Allez, allons-y.